L'actualité avait fini par les oublier quelque peu, à cause, bien sûr, de leurs lointains cousins du Levant et du Proche-Orient, les égorgeurs de Daesh. Mais les djihadistes du Sahel sont toujours actifs et l'armée française, principalement, continue à les traquer dans le cadre de l'opération Barkhane qui, l'été dernier, a pris la suite de Serval. Car même si, sur le plan militaire, l'intervention française dans le Nord Mali a été un incontestable succès, elle n'a pas réussi à venir à bout des djihadistes qui représentent toujours un danger pour les pays de la région, Mali, Niger, Tchad, Mauritanie, Algérie et même le Nigeria, puisqu'il est avéré qu'ils ont noué des relations avec la sanguinaire secte Boko Haram. Mais comment vaincre des terroristes qui agissent et se déplacent dans un territoire aussi immense et inhospitalier que le Sahel et le Sahara, et qui disposent aujourd'hui, à la faveur du désordre libyen, de bases arrières d'où ils sont pratiquement inexpugnables? Autre question. Si la France a réagi avec raison en intervenant en janvier 2013 pour chasser les terroristes du Nord Mali, n'auraient-ils pas dû prendre conscience beaucoup plus tôt des dangers qu'ils représentaient pour toute la région, c'est-à-dire à une époque où ils étaient moins aguerris, moins armés et moins nombreux, et donc moins redoutables? Bref, notre pays, mais il n'est pas le seul, paie-t-il aujourd'hui un aveuglement coupable? Monsieur X revient sur toutes ces questions et s'intéresse en particulier à un personnage devenu emblématique, Mokhtar Belmokhtar, qui serait l'un des seuls chefs de bande à ne pas avoir été éliminé. L'insaisissable Belmokhtar, que d'aucuns n'hésitent plus à comparer à Ben Laden. France Inter. Rendez-vous avec X. On a dit beaucoup de choses sur Mokhtar Belmokhtar, dont pas mal se sont révélées fausses. Ben qui ? Ben moi, par exemple. Ah bon, vous ? Oui. Mais j'ai été loin d'être le seul, si ça peut vous rassurer. De nombreux pseudo-spécialistes de la région sont eux aussi tombés dans le panneau. Ben, expliquez-vous. Ben, je pense que tous ces gens... Y compris vous, hein. Je l'admets. Donc tous, nous avons été intoxiqués par les services algériens qui avaient de bonnes raisons de criminaliser Belmokhtar. C'est-à-dire de le faire passer pour un bandit de grand chemin. C'est à peu près ça, oui. Rappelez-vous. Car nous en avons parlé ensemble. On lui avait même attribué le sobriquet de Mister Marlboro. Oui, parce qu'il était censé pratiquer le trafic de cigarettes. Oui, un trafic parmi d'autres. Hein, drogue, armes, êtres humains et j'en passe. Autre erreur que j'assume. Belmokhtar, contrairement à ce que je pensais, n'a jamais été formé dans l'armée algérienne. Mais je reviens à ce que vous disiez là. Si ce n'est pas un bandit, bah, qui est-il ? Oh bah, c'est un islamiste convaincu, un religieux et un politique qui rêve d'établir le califat sur toute la région. Un idéaliste en somme ? N'exagérons pas. Mais enfin, je tenais à faire cette mise au point avant de commencer. Mais c'est un mea culpa qui vous honore. Je vous en prie. Alors, voyons qui est cet homme que l'on surnomme aussi l'insaisissable ou le djinn. Une sorte de diable. Oui, quoi. Parce que depuis un quart de siècle, il a toujours réussi à échapper aux forces qui ont tenté de l'arrêter ou de le tuer. Ouais. Je crois qu'on l'a aussi appelé le Borg. Hein. C'est exact, parce qu'il a perdu un œil au combat. Et cette infirmité lui donne un visage assez saisissant. Oui, à cause de la fixité inquiétante de son œil de verre. Oui, hein. Sur l'une des rares photos de lui que l'on possède, on voit un homme coiffé d'un chèche, moustache et barbe bien taillées, très émaciées et dures, marquées par une cicatrice qui part du sourcil de son œil mort jusqu'à sa lèvre supérieure. C'est le visage d'un homme de guerre. En effet. Alors, d'où vient-il ? Et surtout, que sait-on de lui ? Il est né en 1972 dans la Pentapole de Gardaïa, dans le sud de l'Algérie, à 600 km au sud d'Alger. Une Pentapole, c'est la réunion de 5 cités. Hein. Et en l'occurrence, il s'agit de 5 petites agglomérations construites par les Berbères mozabites et posées depuis des siècles sur un bout de désert dans un décor de roches ocre. C'est un site remarquable, classé par l'UNESCO, et qui a inspiré des architectes occidentaux comme Le Corbusier. Autre particularité, Gardaïa est située à la croisée des anciennes routes caravanières, reliant les cités de la Méditerranée à l'ouest africain. Bien. Et la population ? On y trouve des tribus semi-nomades originaires d'Arabie, les Chambas, qui sont peu à peu sédentarisées. Belmokhtar en est issu ? Oui, Benjamin d'une famille de 8 enfants. Il a été prénommé Mokhtar, qui signifie « l'élu ». Ce n'est pas anodin, car ce prénom était celui de l'un de ses oncles, un chaïd de la guerre d'indépendance qui a été guillotiné par les Français en 1959. Et on lui a donné ce prénom en souvenir de ce parent. Absolument. Le jeune Mokhtar est très pieux et fréquente assidûment la mosquée. D'emblée, il se passionne pour le combat des Moudjahidines contre l'armée rouge en Afghanistan. Et il est très affecté par la mort en 1989, au Pakistan, d'Abdallah Azam, le grand idéologue du djihad contemporain. C'est un Palestinien qui a été aussi l'un des mentors de Ben Laden. Hein, exact. Ça, ouais. Installé à Peshawar, ce théoricien de la guerre sainte était l'un des organisateurs de la mobilisation de ceux qu'on appellera plus tard les Afghans arabes. Ouais, c'est-à-dire des combattants venus de tous les pays arabes. Et plus généralement musulmans. Et Mokhtar, exalté par cette cause, brûlait de partir lui aussi. Il était quand même un peu jeune, non ? En effet, mais en 1991, il a alors 19 ans, il s'est rendu en Afghanistan. Mais la guerre contre les soviétiques était alors terminée depuis 2 ans. Mais le djihad, conformément à l'enseignement d'Azam, était appelé à prospérer ailleurs qu'en Afghanistan. Alors, Belmokhtar va donc là-bas pour apprendre. Et se former dans les camps d'entraînement des islamistes. Ça lui permet aussi de rencontrer des futures figures du djihad, comme Abu Qatada, un Jordanien très proche de Ben Laden, ou le Palestinien Al-Maqdisi, qui créera une branche d'Al-Qaïda en Irak. Mais Ben Laden, à l'époque, est alors un quasi-inconnu. Hein ? Bah, surtout aux yeux des Occidentaux. Pourtant, en Afghanistan, c'est lui qui finance en partie ces camps d'entraînement. Donc, dans l'ombre, c'est déjà un dirigeant important de cette mouvance islamiste en devenir. Par conséquent, là-bas, Mokhtar se forme. Il se bat. Car le départ des soviétiques ne signifie pas la paix. Le gouvernement communiste est toujours en place et les opposants le combattent les armes à la main. C'est d'ailleurs au cours de cette guerre civile que Belmokhtar sera grièvement blessé par un éclat d'obus et perdra un œil. Mais en 1992, il regagne l'Algérie. Bah, où il va être précipité dans une autre guerre civile. Hein. Entre les forces gouvernementales et le GIA, le groupement islamique armé, né après l'interruption du processus électoral par les dirigeants algériens. Toutefois, lorsqu'il rentre chez lui, le sud de l'Algérie échappe encore à la violence qui sévit au nord, où les terroristes multiplient les attentats et les assassinats. Et où la répression des forces de sécurité est à la mesure de ces exactions. Bien évidemment. Et de retour chez lui, alors, que va faire Belmokhtar ? Enhardi par l'entraînement qu'il a reçu en Afghanistan, il se lance presque aussitôt dans l'action en créant sa propre guérilla. Alors qu'il n'est encore qu'un tout jeune homme. Hein. Mais il est auréolé par son passage en Afghanistan. Ah oui, c'est un Afghan, comme on dit alors. Hein. Il nomme sa première organisation Brigade du Martyr, Katibat al-Shahada en arabe. Donc une structure autonome. Oui, mais qu'il affilie quand même au GIA. À l'époque, il n'a ni argent, ni grands moyens. Va-t-il agir ? Il envisage de mettre en place de faux barrages sur les routes, avec des membres de sa bande déguisés en policiers ou en militaires. Et d'emblée, il fait la preuve de l'extrême violence dont il est capable. En 1993, son groupe attaque par surprise une patrouille de police à la lisière de Gardaïa. 13 policiers sont tués et bien sûr leurs armes sont récupérées. Ouais, quel début, ouais. Et par la suite ? Ces hommes vont viser des convois de carburant qui remontent du sud algérien vers le nord. Sur des routes généralement désertes. Et alors, il revend son butin au marché noir. À ces contrebandiers qui sillonnent en tous sens le Sahara et les franges du Sahel, oui. Alors, ne doit-il pas sa réputation de trafiquant, qui lui a valu son surnom de Mister Marlboro, à ses premières actions là, et aux relations qu'il entretient avec ses hommes ? Certainement. Mais Belmokhtar s'en moque. Pour lui, l'essentiel est de trouver de l'argent pour acheter des armes, quitte à les donner ou les revendre à d'autres maquis de la région. D'autre part, peu à peu, toujours pour se procurer des armes, il crée dans les pays frontaliers tout un réseau de militaires corrompus qui vendent leurs armes pour améliorer leurs maigres soldes. Mais je reviens quand même à cette réputation usurpée de trafiquant, selon vous, là. Quelle différence y a-t-il entre le fait de vendre du carburant volé et des cigarettes ou même de la drogue, comme on l'en a accusé ? Pour le très religieux Belmokhtar, il y a une différence de taille. La cigarette et a fortiori la drogue, c'est haram. Interdit. Ou péché. Et ne plaisante pas avec ce genre de sujet. Ça a même failli coûter très cher à certains trafiquants qu'il a croisés. Ils ont subi le fouet et vu leur cargaison brûler. Est récemment paru le premier livre consacré à Belmokhtar, le Ben Laden du Sahara, selon son auteur, le journaliste mauritanien Lemid Oul Salem, correspondant de plusieurs médias français et étrangers. J'en extrais ce passage où un haut responsable sahélien, l'un des rares à avoir traité avec le chef djihadiste, affirme que ce n'est pas un voyou, mais un fanatique. Et il témoigne ainsi. Au cours de mon dernier séjour chez lui, un convoi de trafiquants de cigarettes et de drogue dirigé par un homme très connu dans la région et que je connais personnellement, s'est arrêté à quelques mètres de nous. C'était en plein désert. Le chef du convoi l'a reconnu et le groupe est venu nous saluer. Belmokhtar s'est immédiatement mis à les sermonner en leur disant qu'ils commettaient un grave péché en s'adonnant au trafic de produits haram illicites en islam. Ils l'ont écouté sans broncher et sont partis rejoindre leur voiture. Avant de reprendre la route, le chef du convoi est revenu pour nous offrir de l'eau, des cartons de lait, du jus de fruits, du thé et du sucre. Belmokhtar a refusé de prendre le cadeau en disant qu'un musulman ne doit pas boire ou manger un produit dont l'origine est illicite selon la charia. Autre coup d'éclat, si j'ose dire, la Katiba de Belmokhtar attaque en 1995 des installations d'une firme sous-traitante de la compagnie algérienne Sonatrach, pas très loin de Gardaïa. 5 coopérants, 2 Français, 1 Britannique, 1 Canadien et 1 Tunisien sont assassinés. Cette action sanguinaire accroît le prestige du terroriste auprès des dirigeants du GIA. Ah oui, alors il va monter en grade. C'est à peu près ça, oui. Il est décidé de faire de Belmokhtar l'émir général de la région où il sévit. C'est-à-dire le sud-algérien. Et lui est demandé de multiplier les recrutements. Le djihad étant une obligation absolue pour tout musulman, comme il l'a appris en Afghanistan, il va désormais sillonner sa zone dans tous les sens pour convertir les tribus et les populations locales. C'est maintenant aussi un chef religieux. Tout à fait. Mmh. Et tout en prenant des contacts avec d'autres groupuscules susceptibles de l'aider matériellement et financièrement, il n'hésite pas à aller prêcher la guerre sainte dans les pays du Sahel, aux confins du Sahara. Mais sa principale ambition et de nouer des liens avec l'organisation djihadiste qui monte, Al-Qaïda. D'autant plus que son leader, Ben Laden, réside alors au Soudan. Alors, a-t-il réussi ? Il semblerait que oui. Fin 1994 ou début 1995, mais il est difficile d'en savoir plus. En tout cas, si c'est vrai, ça signifie que Belmokhtar dispose d'un certain flair. Parce qu'à l'époque, même dans les milieux fondamentalistes, l'existence d'Al-Qaïda, la base en arabe, est encore assez peu connue. Je peux même vous révéler que les services secrets français ne commenceront à s'y intéresser qu'en 1991. Oui, mais en ce qui concerne Belmokhtar, là, vous m'avez dit qu'il avait déjà entendu parler de Ben Laden, lui, lors de son séjour en Afghanistan. C'est vrai. En tout cas, pour établir un véritable lien de confiance avec Ben Laden, il a fort à faire. Pourquoi ? Parce qu'il est lié au GIA algérien. Or, Ben Laden est très réservé vis-à-vis de cette organisation terroriste et de son nouveau chef depuis septembre 1994, Jamel Zitouni. Mais je crois me souvenir que vous avez dit, dans un entretien déjà ancien, hein, que ce Zitouni n'était pas très franc du collier, si j'ose dire. On évoquera même sa possible collusion avec l'armée algérienne. En outre, Ben Laden le soupçonne aussi de mêler trop souvent banditisme et djihad. Une dérive qui s'accentuera sous la houlette de son successeur, Antar Zouabri, qui se révélera encore plus sanguinaire et radical. La méfiance de Ben Laden est d'autant plus grande qu'il est à peu près certain que le GIA est infiltré par les services de renseignement algériens. Donc Belmokhtar, s'il veut rallier l'organisation de Ben Laden, doit prendre ses distances avec le GIA. Et le faire savoir. Exactement. Et il en a l'occasion dans les premiers mois de 1998. Ben Laden a alors décidé d'envoyer un émissaire en Algérie, Abou al-Yamani. Or, c'est justement Mokhtar Belmokhtar qui l'accueille et prend aussitôt connaissance du message personnel que lui adresse Ben Laden. Il lui faut rompre avec la direction du GIA et créer un nouveau groupe armé. Ce qu'il va faire. Très rapidement, oui. Mais il doit opérer habilement, car il lui faut gagner à sa cause les combattants des diverses brigades de l'organisation. Et encore une fois, réussit-il ? Oui. En septembre 1998, l'écrasante majorité des brigadistes du GIA retire leur allégeance à Zouabri. Et de cette scission naît une nouvelle alliance djihadiste d'obédience strictement salafiste, le GSPC, Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat. Ouais. Belmokhtar en est-il le chef ? Non. Non, c'est un certain Hassan Attab, alias Abu Hamza, un ancien militant du FIS qui est chargé de son commandement. Mais Belmokhtar est reconduit à la tête de l'une des zones d'action les plus importantes et les plus vastes, l'émirat du Sahara. Est-ce que ça veut dire que ce GSPC là est désormais une organisation franchisée d'Al-Qaïda ? Pas encore tout à fait, même si c'est le véritable objectif que s'est fixé Belmokhtar. Et pour séduire Oussama Ben Laden, il a des arguments. Il peut lui faire valoir qu'en disposant de bases dans le Sahara, c'est-à-dire dans une région hors de tout contrôle, il pourra rayonner dans le Maghreb et même préparer des opérations en Europe. Mmh. Et sur le terrain, alors, que se passe-t-il ? La naissance du GSPC est ponctuée de nombreux heurts meurtriers avec l'armée algérienne qui marquent incontestablement des points, essentiellement dans les places fortes des terroristes en Kabylie. Cependant, à Alger, en 1999, les autorités changent tout d'un de stratégie. Bouteflika, porté au pouvoir par les militaires. Ah bah, les militaires n'ont jamais cessé de diriger le pays depuis l'indépendance. C'est exact. Donc Bouteflika fait passer une loi dite de concorde civile, proposant une amnistie aux combattants qui déposent les armes. 6 000 terroristes vont ainsi pouvoir rentrer chez eux. Toutefois, paradoxalement, certains d'entre eux, n'ayant plus rien à craindre de la justice, vont rejoindre les rangs du GSPC. Ça va permettre à l'organisation de pallier en partie les pertes subies. Mais c'est un autre épisode qui va redorer le prestige du GSPC. L'affaire du rallye Paris-Dakar, devenu en 2000 le Dakar-Le Caire. Ouais, bah racontez-moi. Bah, ici, il faut dire que les services de renseignement français vont jouer un rôle majeur. Depuis quelque temps déjà, les agents de la DGSE avaient acquis la conviction que le GSPC, en perte de vitesse, allait tenter un coup spectaculaire à l'occasion du passage du rallye dans le Niger. Et cette conviction elle s'appuyait essentiellement sur des écoutes, des communications échangées entre les terroristes. Enfin, je vous passe les détails. On savait donc que plusieurs dizaines de combattants de Belmokhtar allaient infiltrer le cortège du rallye et provoquer un vrai massacre. À partir de là, que faire? Il n'y avait que 2 solutions. Ou bien frapper préventivement et anéantir les colonnes des terroristes quand elles s'approcheraient. C'était possible ? D'après les spécialistes, oui, car les forces françaises disposaient dans la région de troupes aguerries et d'importants moyens aériens. Mais à Paris, on a reculé. Et à la lumière des futurs événements, il faut sans doute le regretter, car un coup décisif aurait été à leur portée contre Belmokhtar et ses amis. Ouais. Donc on a choisi la deuxième solution, qui était ? La suppression pure et simple des étapes nigériennes du rallye, ce qui n'a pas été facile à obtenir. Pourquoi ? Parce que les organisateurs du Paris-Dakar ont poussé les hauts cris, ont cassé leurs joujoux. Enfin, j'exagère à peine. Ouais, finalement, ils ont quand même dû s'incliner. Et la caravane du rallye, vous vous en souvenez sans doute, a sauté les étapes nigériennes pour s'envoler directement en Libye, où Kadhafi l'a accueilli à bras ouverts. Mais le détournement de cette épreuve, tellement médiatique, est apparu comme étant une véritable victoire pour l'émir du Sahara, Belmokhtar. Et les recrues ont afflué. Ouais, un succès donc. Mais plus que jamais, Belmokhtar devient une cible pour l'armée algérienne. Cependant, à plusieurs reprises, sur le point d'être pris, il s'en sort. Ah oui, alors d'où ce surnom là, l'insaisissable. Oui, mais ces menaces ne l'empêchent pas de développer ses réseaux et ses affaires. Il est maintenant le principal pourvoyeur en armes et munitions de l'ensemble des maquis du GSPC en Algérie. Détail révélateur. Belmokhtar passe alors des pactes de non-agression avec les autorités des pays avoisinants, ce qu'on appelle en arabe des moutarakas. Contre la permission de s'y approvisionner en armes. Il promet de ne jamais perpétrer d'attentats ou de braquages sur leur territoire. Ces pays du Sahel sont donc un peu complices. C'est certain. Du moment que ça se passe hors de chez eux, enfin passons. En tout cas, Belmokhtar poursuit son objectif. Aboutir à une union effective avec Al-Qaïda. Et en mai 2001, il obtient le retour de l'envoyé spécial de Ben Laden, Abu al-Yamani. Après un long voyage, ce dernier arrive dans la région. Belmokhtar lui présente un autre émir établi dans les Aurès, Abdelzarak El-Para. C'est un homme dont vous avez déjà parlé, ça. Oui, un ancien militaire algérien. Ouais, d'où son nom, El-Para. Oui, Al-Yamani semble très content de sa visite chez les djihadistes algériens. C'est si vrai qu'il revient un an plus tard et reste 3 mois avec eux. Mais sur le chemin du retour, en septembre 2002, Al-Yamani tombe dans un piège et il est tué. Et ce piège ? Il a été tendu par les services algériens qui ont été alertés par les Américains. Ah, les Américains, alors, qui s'intéressent donc déjà à la région. En effet, car dans leur programme de lutte globale contre le terrorisme, ils pensent qu'il y a là un futur foyer très dangereux. En l'occurrence, ils sont plutôt clairvoyants. Ça, il faut le reconnaître, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Que voulez-vous dire ? À Paris, on a l'impression que les Américains marchent sur nos plates-bandes. En tout cas, la mort de l'homme de Ben Laden sème le trouble. Ben Laden a le sentiment que Abu al-Yamani a été trahi. Et il retire au moins provisoirement sa confiance aux émirs du GSPC. Conséquence, Belmokhtar se brouille avec ces derniers et tel Achille se retire sous sa tente, c'est-à-dire dans le désert. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Dans son blog, il se fait appeler Abou Jaffar. Mais en réalité, c'est un ancien de la DGSE, toujours très bien informé, ce qui n'exclut pas l'humour omniprésent dans ses chroniques. Extrait d'un papier de 2012. En 2001, les États-Unis, frappés par les attentats du 11 septembre, avaient rapidement listé les zones dans lesquelles des actions devaient être entreprises contre les réseaux djihadistes. L'Afghanistan, le Yémen, les Philippines, l'Indonésie, la Somalie figuraient au menu, tout comme le Sahel. La CIA avait commencé à s'intéresser à la région après la menace de janvier 2000 contre le Rallye et elle avait gardé un œil dessus au cas où. Le changement de posture de l'automne 2001 libéra hommes et moyens. En octobre 2002, le département d'État lança la Pan-Sahel Initiative, un vaste programme d'aide à la Mauritanie, au Mali, au Niger et au Tchad visant à les épauler contre les réseaux islamistes radicaux. À Paris, le plan de l'Empire dans la région fut considéré comme un insupportable défi. Comme certains ambassadeurs le relevèrent avec dépit, Washington parvenait à donner à son projet une visibilité que n'avait pas l'aide française, dont le montant était pourtant supérieur. L'administration Bush pouvait bien avoir tous les défauts du monde, elle avançait comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, certes, mais elle avançait. En décembre 2002, puis quelques mois plus tard, Belmokhtar se montre à la hauteur de sa réputation. Il échappe par deux fois à des tentatives de capture de l'armée algérienne. Certes, il perd de nombreux hommes, mais lui s'en sort vivant. Et dans le même temps, il inaugure une nouvelle tactique. Laquelle ? Il entend nouer une alliance avec les tribus importantes du Sahel. Et ça se traduit, comme autrefois en Europe, au temps des monarchies, par un mariage. Belmokhtar épouse une adolescente de la puissante famille Amaha, un clan appartenant à la très nombreuse et influente confédération tribale des Brabish, qui vivent à cheval sur les frontières de la Mauritanie, du Mali, de l'Algérie et du Maroc. Et l'événement fait du bruit parce que Belmokhtar appartient à une tribu quasiment inconnue des Amaha. Ah, c'est un joli coup donc, mais qui s'explique comment ? Les meilleurs connaisseurs de la région ont observé qu'après ce mariage, les Amaha sont devenus de plus en plus prospères, et même très riches. Ça signifie que Belmokhtar a trouvé le moyen de blanchir le fruit de ses rapines et bientôt de ses prises d'otages en investissant dans les affaires de ses beaux-parents. Alors, les prises d'otages, dites-vous, qui vont constituer une des principales sources de financement des djihadistes. Et ça commence début 2003. El Para, l'émir de la zone Est, a kidnappé une trentaine de touristes européens. Et je me souviens, il y avait parmi eux beaucoup d'Allemands. C'est ça, mais l'affaire est mal engagée. El Para appelle au secours Belmokhtar, qui prend en charge une partie des otages et qui va personnellement négocier les remises de rançon via, en particulier, un notable Touareg, un certain Liad Ag Gali. Ouais, c'est le futur chef d'Ansardine. Qui est alors un proche collaborateur du président malien. Mais je vais vite, car nous en avons déjà parlé. Vous le savez, les pays dont sont originaires les otages, et d'abord l'Allemagne, vont payer 5 millions d'euros. Et c'est le début d'un terrible engrenage. Car si ces rançons n'avaient pas été payées, les djihadistes n'auraient pas continué à enlever des étrangers. Et ça va devenir une véritable industrie. Et qui va grossir le trésor de guerre des terroristes et donc accroître leurs moyens d'action. En juin 2005, Belmokhtar peut lancer sa première attaque d'envergure hors d'Algérie contre une petite caserne en plein désert mauritanien. Une vingtaine de soldats est tués. Et le butin, véhicules et armes est considérable. L'opération de Bartre, du nom de la première bataille victorieuse de Mahomet en 624, a un grand retentissement. Elle permet à Belmokhtar d'attirer à lui de nouvelles recrues. Et surtout, elle lui laisse espérer que Ben Laden acceptera enfin l'alliance qu'il lui propose. Ouais, son obsession. Hein. Et pour ce faire, il envoie même un émissaire auprès du plus proche collaborateur de Ben Laden, Al-Zawahiri. Et Belmokhtar va-t-il obtenir satisfaction ? Oui, et ça se traduit par le ralliement officiel du GSPC à Al-Qaïda. Et c'est la naissance d'ACMI, hein, Al-Qaïda au Maghreb islamique. En janvier 2007, oui. Cependant, ce succès de Belmokhtar est bientôt terni par des questions de rivalités internes. Le djihadiste perd son titre d'émir du Sahara, ce qui ne l'empêche pas de continuer à commanditer des opérations de plus en plus audacieuses, et aussi de plus en plus sanglantes. En octobre 2007, un véhicule transportant la recette du bureau des douanes du port de Nouakchott est braqué. Le butin est considérable. Puis en décembre de la même année, un commando kidnappe et tue 5 touristes français en Mauritanie. C'est le premier attentat djihadiste anti-français commis dans le Sahel. Et les raptes vont désormais se multiplier. Toujours à l'initiative de Belmokhtar ? Oui, je ne les énumère pas tous. Rappelons simplement l'un des plus meurtriers, celui des 2 jeunes Français enlevés dans un café de Niamey au Niger. Et qui périront lors de la course-poursuite engagée avec les forces spéciales françaises. Dans des circonstances qui n'ont pas vraiment été éclaircies. Car si l'un d'eux a été assassiné par les ravisseurs, l'autre a été vraisemblablement tué par un tir français. Et alors encore une fois, Belmokhtar se trouvait derrière cette affaire. Oui, il attendait même les kidnappeurs à la frontière malienne. Autre chose. Si Belmokhtar joue un rôle essentiel dans ses actions, il n'est pas seul. Un autre émir l'a rejoint. Un allié ou un concurrent, selon les circonstances. Celui-là, Abu Zayd, est encore plus féroce. C'est par exemple ce psychopathe spécialiste des prises d'otages qui exécutera Michel Germano en avril 2010. Ouais, qui sera lui-même abattu par les militaires de l'opération Serval en 2013. Ouais, enfin, n'allons pas trop vite. L'événement qui va tout bouleverser, c'est la chute de Kadhafi en 2011. Belmokhtar est l'un des premiers à exploiter le désordre qui s'ensuit. Avec l'aide d'un vétéran libyen d'Afghanistan, il y installe des camps d'entraînement. Et il met aussi la main sur une partie de l'énorme arsenal libyen. Dès lors, le sud-ouest libyen devient une base opérationnelle pour les djihadistes. La suite est connue. En janvier 2012, des milliers d'insurgés Touareg descendent des montagnes de l'Adrar, des Ifoqas, pour chasser l'armée malienne des villes du nord du pays. Et nombre d'entre eux arrivent de Libye, où ils appartenaient à la garde rapprochée de Kadhafi. Hein. Mais, et parmi ces rebelles se trouvent de nombreux islamistes, dont les partisans de Belmokhtar, et les combattants d'un mouvement mauritanien, le Mujao. Et ceux-là vont rapidement prendre l'ascendant sur les séparatistes Touareg et même les délogés des villes du Sahel qu'ils ont conquises et où ils mettent aussitôt en place la charia. Ouais, la loi islamique. Hein. Belmokhtar et ses alliés règnent alors sur une zone immense qui s'étend du nord-est du Niger à la frontière libyenne et de l'ouest du Djanet jusqu'à la frontière tunisienne. A noter que c'est à ce moment, alors qu'il est au fait de sa puissance, que Belmokhtar apparaît pour la première fois dans une vidéo rendue publique. Un visage découvert, donc. Vêtu d'une veste militaire, un turban noir sur la tête, il parle pendant près d'un quart d'heure d'une voix posée et calme. Et que dit-il, hein ? Il pressent alors qu'il sera bientôt attaqué par l'armée française. Aussi menace-t-il les Occidentaux, la France en particulier, de représailles en cas d'intervention. Il annonce aussi que, rompant avec ses anciens amis, il crée une nouvelle brigade nommée les signataires par le sang. Une appellation étrange. Le nom s'explique par la résolution de ses membres qui sont prêts à se sacrifier pour le djihad. Ouais. Mais attendez, comment cette vidéo a-t-elle été diffusée et quel effet a-t-elle produit ? Sa diffusion ? Les réseaux Internet. Quant à son effet, il faut bien dire que sur le moment, les grands médias et les spécialistes ne lui ont pas accordé un grand intérêt. Et on a eu tort. Mais on s'en souviendra quand, après le lancement de l'opération française Serval au Mali, Belmokhtar et ses signataires par le sang vont conduire une opération de grande ampleur. L'attaque du site gazier d'In Amenna. Ouais, c'est à la frontière algéro-libyenne. Oui, on va alors découvrir des combattants impitoyables, redoutablement armés et effectivement prêts à se faire tuer. D'ailleurs, il en résultera un vrai carnage. Oui, tant du côté des assaillants que celui des otages après l'intervention de l'armée algérienne. Belmokhtar était-il personnellement présent ? Il semble que non, même si, bien sûr, c'est lui qui a commandé l'attaque. Alors la suite. En mars 2013, la très efficace armée tchadienne, qui participe à l'opération Serval, annonce avoir liquidé Belmokhtar. Mais il n'en est rien. En mai, le chef terroriste en apporte lui-même la preuve en organisant avec ses alliés du Mujao une double attaque au Niger. contre l'usine d'extraction d'uranium d'Areva à Arlit et contre une caserne militaire à Agadez. Chaque fois, ce sont des véhicules chargés d'une tonne d'explosifs qui ont été utilisés. Et aujourd'hui, Belmokhtar, en dépit du redéploiement de l'armée française dans la région... Barkhane ayant succédé à Serval. Oui, car le terrorisme ne connaît pas de frontières, surtout dans une région où elles sont virtuelles. Belmokhtar, en dépit des coups très durs qui ont été portés contre les islamistes, n'a pas renoncé. Sans doute réfugié dans son sanctuaire du sud libyen, il continue à commanditer des actions contre les militaires français et leurs alliés africains de la force internationale, la MINUSMA. Et régulièrement, il y a des morts. Souvenez-vous de vos deux confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés à Kidal. Le potentiel de nuisance de Belmokhtar est donc intact. Il faut le craindre. D'autant que de plus en plus, les djihadistes de Belmokhtar ont tendance à se cacher derrière certains Touaregs. Ah, des paravents. Exactement. La meilleure preuve, c'est qu'on observe de nombreux mouvements entre le sud libyen, là où s'est réfugié Belmokhtar, et le nord du Mali et du Niger, où vivent traditionnellement les Touaregs. Et malheureusement, la politique de Bamako vis-à-vis de ces populations encourage indirectement les menées des djihadistes. Mais pourquoi ? Mais parce que les dirigeants maliens persistent à faire des indépendantistes Touareg leur ennemi numéro un. Et ça, ça ne peut pas déplaire à Belmokhtar, l'homme le plus recherché du Sahara. Michel Biou a réalisé cette émission qui a été mise en musique par Monsieur Djoub et préparée par Rebecca de Nantes, qui a lu quoi ? Non, j'ai vu cette fois-ci le film saisissant d'Abderrahmane Sissako, Timbuktu. Il est sorti il y a 10 jours sur les écrans français et raconte la prise d'otage des habitants du Nord Mali par les djihadistes en 2012. La vie d'une bourgade non loin de Tombouctou qui tente de résister comme elle peut à la folie extrémiste. Beau, grotesque, poétique et terrible à la fois. Très beau film, Tombouctou. Et vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr pour plus de précisions. À samedi prochain et tout de suite après le flash CO2. Mon amour, Denis Chessou, bien sûr.